L'agence de presse sud-coréenne Yonhap News fait savoir que la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques a tenu le 19 courant à Séoul une conférence de presse pour dénoncer le complot de prolongation du gouvernement illégal par la bande de Bakounet. Le même jour, la solidarité des citadins pour une société démocratique a accordé une conférence de presse près de la Maison Bleue. Déplorant que le régime Bakounet a fait l'inspection des formations civiles, des milieux culturels et artistiques, et jusque du ministère de la Justice, elle a exigé de procéder à l'enquête sur les dessous. Par ailleurs, le journal sud-coréen Une Nation, en date du 20 courant, a révélé le crime du Byung-woo, ex-secrétaire en chef de la Maison Bleue, chargé de l'administration civile, qui a empêché l'éclaircissement de la vérité de la submersion du Baguio Sewol.